Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Voici la leçon 43. La phrase clé est... どうしてでしょうか? Pour quelle raison, à votre avis? Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Anna participe à un voyage d'études de son université. Elle est maintenant arrivée au château de Himeji, un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les étudiants écoutent les explications du professeur Suzuki. Écoutez le sketch de la leçon 43. La phrase clé est... どうしてでしょうか? Pour quelle raison, à votre avis? Himeji-jōは奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか?戦争でも焼けなかったからです。さすが、ロドリゴ。Laissez-moi vous expliquer le sketch. Le professeur Suzuki a dit Himeji-jōは奇跡の城と言われています. Le château de Himeji est considéré comme un miraculé. Himeji-jō signifie « château de Himeji ». L'appellation du lieu, Himeji, est suivie de « jo », qui signifie « un château ». Wa est la particule qui indique un sujet. Kiseki signifie « un miracle ». No est une particule qui lie les substantifs. Shiro signifie « un château ». Quoi? Mais un château, c'est « jo », non? Si l'on parle d'un château en général, sans lui donner un nom, on dit « shiro ». La particule « to » indique une citation. « Iwareteimasu » signifie « il est dit de lui qu'il est ». La forme passive de « iimasu » dire est « iwaremasu » il est dit. Et la forme hantée de « iwaremasu » est « iwarete ». Si l'on emploie la forme en « t » d'un verbe en combinaison avec « iimasu », on exprime le fait qu'une action ou une condition se poursuit, n'est-ce pas? Tout à fait. Ensuite, le professeur Suzuki demande aux étudiants どうしてでしょうか? Pour quelle raison, à votre avis? C'est notre phrase clé aujourd'hui. どうして? Signifie pourquoi. On l'utilise pour demander une raison, une cause. De façon formelle, どうして devient なぜ? Pourquoi? でしょう? Signifie est sans doute. Il exprime le fait d'essayer de deviner ou de déduire. Ka est une particule placée à la fin d'une question. Exerçons-nous à dire notre phrase clé aujourd'hui. どうしてでしょうか? Rodrigo répond à la question du professeur Suzuki. 戦争でも焼けなかったからです. Parce qu'il n'a jamais été incendié malgré les guerres. 戦争 signifie guerre. でも est une particule qui signifie « même ». Elle met l'emphase sur l'idée « même en temps de guerre ».« Yakenakatta » signifie « n'a pas été incendié ». Il s'agit de la forme informelle de « Yakemasen deshita ». Sa forme en masse est « Yakemasu » brûlé. Comment dit-on « paix » On dit « Heiwa ». Ensuite « Kara » signifie « parce que ». C'est une particule qui indique une raison. Des est une expression polie qui conclut une phrase. Le château de Himeji est construit en bois, mais comme il a été épargné par les incendies, il a conservé sa forme originale même après 400 ans. Durant la Deuxième Guerre mondiale, une bombe incendiaire a été larguée au sommet du château, mais elle n'a pas explosé. J'aimerais visiter ce château. Rodrigo aime les romans historiques, donc il s'y connaît vraiment en château, n'est-ce pas? Anna dit à Rodrigo さすが、ロドリゴ. Super, tu en sais des choses, Rodrigo. さすが signifie super, génial. ロドリゴ. C'est Rodrigo. Rodrigo est un ami proche d'Anna. C'est pourquoi elle l'appelle par son prénom, sans employer de terme honorifique. C'est agréable d'être complimenté, さすが. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 43. La phrase clé aujourd'hui est どうしてでしょうか? Pour quelle raison, à votre avis? Voici maintenant notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris des choses qu'on utilise lorsque l'on essaye de faire une estimation. Dans quel type de situation peut-on l'utiliser? Demandons à notre professeur. On utilise à la fin d'une phrase, lorsque l'on fait référence à une prédiction pour l'avenir ou à quelque chose d'incertain. Lorsqu'on l'utilise en combinaison avec des noms ou des adjectifs, on remplace « des » à la fin de la phrase par « des shou ». Essayons de dire « il pleuvra probablement demain ». Demain, c'est « ashita ». Pluie, c'est « ame ». Il pleut ou il pleuvra demain. « Ashita wa ame desu ». Si l'on remplace « des » par « des shou », on obtient « ashita wa ame de shou ». Il pleuvra probablement demain, littéralement. Il y aura probablement de la pluie demain. Lorsqu'on l'utilise en combinaison avec des verbes, on met ces verbes à la forme simple, comme la forme du dictionnaire ou la forme en ai, et on leur attache des choses. Essayons avec « il ira probablement ». D'abord, attardons-nous à « il va ou ira ». Il, c'est « kare ». Aller, c'est « ikimasu ». Alors on dit « kare wa ikimasu ». Ensuite, la forme du dictionnaire de « ikimas » c'est « iku ». Donc, « il ira probablement » se dit « kare wa iku de shou ». Dans la leçon 25, vous avez appris que « yoda » est la forme familière de « yodes ». Ça ressemble à « des shou ». Mais quelle est la différence? Comparons les exemples suivants. « Kare wa iku yō desu » signifie « il me semble qu'il ira ». Kare wa iku de shou signifie « il ira probablement ». Il ressort clairement de ce qui précède que l'on utilise « yō desu » ou « yō da » lorsque l'on pense qu'il ira en se basant sur les circonstances. On utilise « des shou » lorsque l'on devine simplement qu'il ira probablement dans le futur. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Passons maintenant à notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. C'est un carillon? En japonais, on utilise ce mot descriptif. Ping-pong. Lorsqu'un participant à un jeu télévisé donne une bonne réponse, l'animateur dit « ping-pong ». Et quel est le son descriptif au cas de mauvaise réponse? Boop. C'est boop. Il fait référence au son d'un vibreur. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons, aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir ping-pong et boop. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». Le château de Himeji est aussi connu sous le nom de « château du héron blanc ». Un héron blanc est un oiseau. Plusieurs théories existent pour l'expliquer, notamment que le château ressemble à un héron blanc. Avez-vous apprécié la leçon 43? La phrase clé aujourd'hui était どうしてでしょうか? Pour quelle raison, à votre avis? La prochaine fois, Anna et ses amis étudiants feront l'expérience de la cérémonie du thé japonais. Soyez au rendez-vous pour notre prochaine leçon.